passe au refrain. Chacun. Non merde, raté, j'ai raté le départ. Fais pas, on s'arrête à chaque fois. Bon, je le fais toute seule. Je le fais toute seule.